90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7. Ne cherchez plus. C'est là. Bonsoir à tous et à toutes, c'est Thierry Gallet, j'espère que vous allez bien, je remercie le peloton de motards de Mérignac qui m'a gentiment accompagné et ouvert la route parce que la rocade était franchement bouchée et là, franchement, je suis à l'heure grâce à eux. Merci messieurs les policiers, c'était vraiment très très très sympa. Faut pas toujours croire ce que je dis, d'accord? Donc, non mais ils sont sympas les policiers. Donc l'album de la semaine, c'est l'album VH1 Storytellers de Ringo Starr en 1998. La saga, c'est la saga numéro 390 sur RIG, mais vous le savez, cette saga existe depuis 1984. Donc nous allons franchir la 35e année dès l'année prochaine. C'est dingue, mais c'est comme ça. L'album de la semaine, donc, on écoutera avec Ringo Starr, forcément, With a Little Help from My Friends. Il y aura également It Don't Come Easy, Don't Pass Me By, King of Broken Hearts, Octopus's Garden et What's in the World. Ce sera la seule chanson moins connue que vous entendrez ce soir sur l'album de la semaine. Et j'ai décidé, parce que je fais des réunions avec toute l'équipe de la saga des Fab Four chaque jeudi ou vendredi, et je dis tiens, l'album de la semaine ça va être quoi et qu'est-ce qu'on va faire. Eh bien on a décidé donc tous ensemble que tous les ex-Beatles seront en live ce soir alors que tous les Beatles seront en studio. Donc il y aura du McCartney, du Lennon, du Harrison en live. Pour George Harrison ce sera Here Comes the Sun, pour Lennon Cold Turkey et pour McCartney Bluebird. Et pour les Beatles, donc, du studio, comme par exemple une chanson que vous savez que j'aime un petit peu. C'est While My Guitar Gently Weeps, en studio, s'il vous plaît. Et même mieux que ça, les Escher démos qui vont sortir là, dans très peu de temps, sur l'album blanc qui ressort pour les 50 ans. Bon, vous savez que voilà, on a les moyens à ériger. J'ai le Escher démo de While My Guitar Gently Weeps. On écoutera ça. Voilà. Pour le reste, on se retrouve sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four. Et je vous souhaite un très très bon mercredi soir, une très très bonne soirée. Si vous mangez, mangez des crêpes. Salut Diane. Et à tout de suite pour le meilleur de la saga. C'est maintenant. D'abord, le train de la saga des Fab Four démarre dans quelques secondes. Please welcome Ringo Starr and the Roundheads. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ear and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. Oh, I'm gonna try with a little help from my friends. What do I do when my love is away? Doesn't worry to be alone. How do I feel at the end of the day? Are you sad because you're on your own? No, I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. Oh, I'm gonna try with a little help from my friends. Do you need anybody? I need somebody to love.

Cet extrait du live Peace in Toronto. Que John a fait soft, c'est tout. Et puis l'autre, non, elle a pas fait soft. Et c'est très désagréable. Et elle se croit chanteuse. Et je ne suis pas d'accord. Je ne lui trouve toujours pas de talent. J'y arriverai pas. Bon, vous êtes bien sur RIG. J'espère que tout va bien pour vous. Vous n'êtes pas encore très nombreux sur Facebook, mais je suis à peu près certain que ça va finir par venir. Peut-être les bouchons aussi chez vous. Pourquoi pas. Voici Paul McCartney et Bluebird sur RIG. Does anybody here in San Francisco land know what? Là, il est à San Francisco, c'était pendant Wings Over America. Yeah? I'll tell you, for anybody who doesn't know, it's this little box you can get, you plug it in the wall, press it, and it comes out like that. I don't know what they can do to you. Too.

mistake, we must surely be learning. Steal my guitar, gently we. I don't know why you were diverted, you were perverted too. I don't know how you were inverted, no one alerted you. I look at While My Guitar Gently Weeps, on peut me le présenter dans n'importe quelle version, ça passe. Mais j'adore la version finale, elle est tellement hypnotique, tellement géniale. Oui, parce que le synthé derrière, enfin, c'était pas un synthé, mais c'était peut-être de l'orgue, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est super. Bravo, George Harrison, c'était du très, très grand boulot. On revient à l'album de la semaine, l'album VH1 Storytellers de Ringo Starr, sorti en 1998. Pas grand-chose à dire sur cet album, c'est un live de Ringo Starr qui, pour une fois, il ne s'appelle pas Ringo Starr and the All Star Band parce qu'il est fait en majorité avec le personnel qui avait travaillé sur son dernier album studio dont les titres venaient grossir la setlist composée évidemment de chansons de Beatles et du reste de la carrière de Ringo. On y retrouve notamment Mark Hudson que j'estime avoir été un très très bon collaborateur de Ringo Starr pour Ringo Starr. Dont la collaboration avec Starr allait durer encore un certain nombre d'années. Ringo y présente ses chansons et explique leur naissance. Voilà l'essentiel. J'ai essayé dans cette saga de vous mettre les passages où il explique les chansons, mais c'est pas facile avec le logiciel que j'ai. J'espère que ça va réussir et que vous pourrez entendre les explications de Ringo au sujet des chansons. Voici donc It Don't Come Easy sur RIG. Ringo Starr. Peace and love, peace and love. Ben oui, peace and love, bien sûr. Je vous ai promis les Beatles en studio. J'ai pas choisi n'importe quel studio. We'll be right back. il reste une minute, je vais parler dessus. J'aime la réflexion de Yann sur Facebook, c'est juste magnifique. Et j'allais dire à peu près la même chose, j'allais dire et dire que John Lennon, avec le recul, pensait avoir fait de la daube avec les Beatles. Une chanson comme ça, de la daube, mais vous plaisantez. Et surtout que en 1967, il n'y avait pas... Ça a dû être quelque chose d'énorme, quoi. Ça a pris tout le monde par surprise, parce que rien n'était équivalent à ce moment-là. C'est pour ça qu'on en dit que c'est la pierre angulaire du rock, au moment où il y a un avant et un après Sgt Pepper. Et oui, parce que ça, c'est quand même fantastique. Et ils ont mis tellement de temps en studio à pondre cet album-là que certains journaux avaient dit « Les Beatles sont finis, ils ne savent plus quoi faire, ils vont se séparer, blablabla ». Ben oui, ils sont séparés 3 ans après, d'accord. En tout cas, ils savaient quoi faire à ce moment-là, en 1967. Et voici McCartney, allez, avec Wings Over San Francisco. Et ce titre, Let Me Roll It, live sur RIG. Thank you. All right. Thank you very much and welcome to San Francisco. All right. Yeah! J'aime bien de temps à autre repasser des chansons connues mais qu'on n'écoute pas si souvent que ça dans la saga. Hello, goodbye. Facile, hein, la chanson. Hello, goodbye, black, white. Enfin, je dis n'importe quoi, mais c'est simplement les opposés. Voilà. Harrison a fait ça aussi. Avec Earl Brown Shoe. Mais bon, c'est drôlement bien. Quelle musique extraordinaire. Quel génie, ce Paul McCartney. Paul McCartney qui sera bientôt en concert, Bande de Vénards, dans 29 jours. En concert le 28 novembre. J'aimerais y être. Je n'y serai pas cette fois-ci. J'y serai peut-être la fois d'après. Mais cette année, c'est juste pas possible. Allez, j'arrête de me faire du mal. Je vous propose de retrouver Ringo Starr en live. Et si ça marche, vous allez avoir l'explication de Don't Pass Me By juste avant la chanson. OK. This is one of them I wrote on piano. And this was the first song that was ever written by me and put on record when I was in that other band. I'd written lots of songs before this one, but they wouldn't do them. Because I had this knack of rewriting other songs. And I didn't realize it, but I would just rewrite, you know. I did it my way, and I'd say, change it to something. And they'd be rolling on the floor, saying, oh, he's written another one. Anyway, so this was the very first one, and I love it. And I'm playing the first part on piano for you lucky people. I listen for your footsteps. Coming up the drive, listen for your footsteps, but they don't arrive. Waiting for your knock, dear, on my old front door. I don't hear it. Does it mean you don't love me anymore? Ticking on the mantel shelf. I see the hands are moving, but I'm by myself. I wonder where you are tonight and why I'm by myself. I don't see you. Does it mean you don't love me anymore? Don't pass me by, don't make me cry, don't make me blue. Cause you know, darling, I love only you. You'll never know it hurts me so. I hate to see you go, don't pass me by. Don't make me cry. You were so unfair. You were in a car crash and you lost your hair. You said that you'd be late tonight, about an hour or two. Well, that's alright, I'm waiting here, just waiting to hear from you. Don't pass me by, don't make me cry, don't make me blue. Cause you know, darling, I'll hate to see you go, don't pass me by. Don't make me cry. Don't make me blue. ceux qui ne comprennent pas l'anglais, globalement, il a dit j'ai fait des tonnes de chansons quand j'étais avec un autre groupe. Le seul problème, c'est que j'avais un grand art pour refaire des chansons qui existaient déjà. Voilà, il croyait que c'était lui qui l'avait inventé. En fait, c'était un plagiat involontaire. C'était un plagiat. Et puis, il a réussi quand même à faire celle-là, Don't Pass Me By. Et donc, il a commencé à l'interpréter au piano. Et ça, c'était en 1998. Et en 2018, eh bien, il nous a fait exactement la même chose. Il a peut-être pas dit qu'il avait l'art de refaire les mêmes chansons, des chansons qui existaient déjà, mais il nous l'avait présenté en disant, j'ai écrit des tas de chansons quand j'étais avec les Beatles, et ils ont refusé toutes jusqu'à celle-là. Voilà. Mais c'est bien, bravo Ringo Starr. Voici donc, toujours du live, John Lennon, Blue Sweet Shoes sur le Live Peace in Toronto. Et juste après, What is Life, George Harrison sur RIG. Okay, we're just gonna do numbers that we know, you know, because we've never played together before. On va faire des trucs qu'on connaît parce qu'on n'a jamais joué ensemble. C'est vrai que ce concert avait été organisé à l'arrache. One for the money, two for the show, three to get ready now. Go, get, go, don't. Down, tread on my face, sign up my name all over the place. Do anything that you wanna do. Honey, lay off them shoes, don't you? Put my boots with you. You can do anything, lay off of them boots with you. We'll be right back. very much. La saga des Fab Four, tous les mercredis de 20h à 22h sur erigfm.fr. Et c'est avec... Avec Kiki. I Dig a Pygmy by Charles Hawtrey and the Deaf Aids. Phase one in which Doris gets her oats. Interprété dans le documentaire Let It Be par Paul et John, tous deux à la guitare sèche, Two of Us pourrait être une chanson sur leur histoire commune à Liverpool. Elle décrit les souvenirs de la jeunesse insouciante de deux adolescents qui rentrent chez eux, peut-être pour composer ensemble. Mais lorsqu'ils chantèrent Two of Us, les deux personnes qui partageaient ce lien n'étaient plus Paul et John, mais Paul et Linda. L'une des qualités de Linda que Paul appréciait le plus était sa façon détendue d'envisager la vie. À une époque où il devenait de plus en plus l'esclave de ses obligations professionnelles et contractuelles, auxquelles venaient s'ajouter tous les problèmes de l'entreprise Beatles, il savourait chaque minute passée avec une personne qui semblait toujours de bonne humeur, avec laquelle il pouvait un instant oublier qu'il était un Beatle. Peu après son arrivée à Londres, Linda enseigna à Paul le plaisir que l'on peut trouver à se perdre. Elle prenait le volant et l'emmenait hors de la ville, pour le seul plaisir de se retrouver perdu dans la nature. Pour un Beatle qui avait pris l'habitude de voir sa vie entièrement organisée, une telle activité avait quelque chose d'exaltant, lui donnait le sentiment d'une liberté retrouvée. « Quand j'étais jeune, j'adorais me perdre », explique Linda. « Je demandais à mon père de partir au hasard. Mais nous ne nous perdions jamais. Tous les panneaux nous indiquaient la direction de New York. » Oui, parce que vous savez que Linda est américaine. Puis, quand je suis venu m'installer à Londres avec Paul, nous avons pris l'habitude de prendre Martha, la chienne, dans la voiture et de quitter la ville. Dès que nous avions rejoint la campagne, je disais « Allons-nous perdre ?» et on partait au hasard sans regarder les panneaux. D'où l'idée d'errer sans but dans « Two of Us ». Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette belle chanson de 1970 sur l'album « Let It Be ». Wings Over America. Listen to what the man said, sur RIG. C'est la saga des Fab Four jusqu'à 22h. J'adorais quand tu faisais hey, hey, mais que la voix tenait. Allez, on revient à l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est VH1 Storytellers de Ringo Starr en 1998. Et ce titre qui, lors du moment studio, c'était le dernier coup de main de George Harrison pour son pote Ringo Starr en 1998 sur cet album-là et sur cette chanson-là. Mais là, nous sommes sur le live, ce n'est pas George Harrison qui joue de la guitare. Anyway, this next song was written in the 60s, of course. And it's called Octopus's Garden. But the long, long, drawn-out story is, you know, we were doing the White Album, the Beatle Buddies. Let's hear it for the White Album. I loved it. Let's milk it for all we can get. And it just was one of those times in my life, and we were making this album, and I just felt that the other three were really friendly, and I was, like, out of the picture, Mr. Lonely Guy. So anyway, I couldn't take the pain anymore, so I went and knocked on John's door, and I said, you know, I got to talk to you because, you know, I feel you three are really close, and, you know, I'm out the picture. And he said, I thought it was you three. So I went over to Paul's, knocked on the door, I said, you know, I think, you know, I just feel like you three are really close, you, George, and John, and, you know, and I'm just out the picture. And he said, I thought it was you three. So I said, I'm going on holiday. So I went on holiday to Sardinia, and just by chance, some guy lent us his boat. They were great in those days, they'd lend you anything. And we're on the boat, so we're with the kids, and I said to the captain, I'd like some fish and chips for lunch. And he said, oh, okay, in Sardinian, of course. And so we went swimming, doing what we do, and we came back, and he said, oh, your dinner's ready. And we went and sat around the table, and we recognized the chips, the French fries, but we didn't recognize the other stuff. I said, hey, what's this? What's this fish? He said, oh, that's octopus. I said, oh, we don't eat octopus. Yeah. We're from Liverpool, you know what I mean? We don't eat octopus. Anyway, through the course of that afternoon, I was just chatting with the guy, and he said, oh, do you know, I'm trying to do like Peter Sellers, oh, do you know, all about octopus? The octopus? And he said, you know, they live, you know, on the bottom in caves, and they go around the ocean bed, and they pick up shiny things, and they put them in front of their cave. Well, it just blew me away, actually. And, you know, in those days, I'd had one of those herbal cigarettes into my head. And I just thought this was so beautiful that I wrote this song called Octopus's Garden. And it goes like that. Alors vous avez eu l'explication d'Octopus qui viendra après quand on reviendra à l'album de la semaine. Je me suis juste trompé quand j'ai mêlé les chansons. Can you guess what I'm thinking of? Where's someone that I can love? I just don't know where to start. I'm the king of broken hearts. I was waiting for the bells to ring. My love for her keeps lingering, praying that she'd wear my ring. Waiting for the crowd to sing. I'm the king of broken hearts. I've lost before I ever start to love again. I'm the king of broken hearts. I'd give it all away to find a friend. The dream I had before, she just walked right out the door. I want her back and nothing more. Her note fell on the bedroom floor. I'm the king of broken hearts. I've lost before I ever start to love again. I'm the king of broken hearts. I'd give it all away to find can turn. Some people live but never learn. I can make a brand new start. Actually, four guys wrote that song. Put any four guys together trying to write a song and it's all sob stories. Anyway, this next song... Voilà, là il va reparler de Octopus's Garden. Vous l'avez entendu puisque je vous le réservais pour la suite. On reprendra cette anecdote au moment où on y arrivera, mais on va pas repasser tout quand même. On arrive à la cover. La cover, c'est une chanson chantée par John, Paul, Ringo ou George, que ce soit avec les Beatles ou en solo. Et même si eux-mêmes faisaient déjà la cover de d'un de leurs pères, comme Chuck Berry par exemple, pourquoi pas. Et cette cover de la saga des Fab Four, c'est chantée par des chanteurs connus, ou pas, ça peut très bien être vous. Si vous m'envoyez une bonne version d'une chanson chantée par John, Paul, Ringo ou George, eh bien pourquoi pas. Eh bien là, c'est une cover qui date d'avant les Beatles. C'est une cover qui est sortie en, laissez-moi trouver la date, c'est en 1956, en single. Ça s'appelle Roll Over Beethoven et c'est Chuck Berry justement qui la chante. Temperature rising, the jukebox blowing the fuse. My heart beating rhythm and my soul keep a singing the blues. I roll over Beethoven, tell Tchaikovsky the news. I got to rockin' pneumonia, I need a shot of rhythm and blues. I caught the rolling off the rider sitting down at a rhythm review. I roll over Beethoven, they're rocking in two by two. Well, if you feel it and like it, go get your lover, then reel and rock it. Roll it over, then move on up just a trifle further, then reel and rock with. Run another roll over, Beethoven, dig these rhythm and blues. You ought to see him reel and rock. Long as she got a dime, the music won't never stop. I roll over Beethoven. I roll over Beethoven. I roll over Beethoven. I roll over Beethoven. I roll over Beethoven. Dig to the rhythm and blues. Et voici la version Beatles sur RIG.

plus dur, c'est de se dire on ne passe pas la face B en entier, on arrête ici, parce que je l'ai décidé ainsi, et c'est vraiment très très difficile, c'est un arrache-cœur de se dire on arrête. Et je vais profiter de ce petit moment de calme pour dédier une chanson à une ravissante blonde qui aime beaucoup Steve McQueen. Voici Something, juste pour elle. Attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now. You know I believe in how. Somewhere in her smile she knows de la semaine, et vous auriez dû entendre le speech de Ringo au sujet de Octopus's Garden. Je vais essayer de vous raconter ça de tête. Il dit, Ringo, c'était dans la période de l'album blanc, et ça commençait déjà à aller mal, déjà, dès 1968. Et Ringo, à un moment donné, va voir un des trois autres en disant « Bon allez, moi je quitte les Beatles parce que j'ai l'impression que vous m'en voulez, que vous m'aimez pas, et donc je me barre. » Et admettons qu'il soit allé voir John. Et John dit « Ben non, moi c'est l'impression que j'avais, c'était la même. C'est que vous m'aimiez plus et donc j'allais me barrer. » Il va voir George et lui dit « Bon allez, je me barre parce que j'ai l'impression que vous entendez bien, mais moi ça c'est terminé, donc je me barre. » Et George lui a répondu « Mais non, non, moi j'avais cette impression que vous allez très bien, mais que voilà. » Et la même chose avec Paul. Et donc bref, il s'est dit « J'ai besoin de vacances. » Et il part sur une sorte de chalutier, quelque chose comme ça, avec un marin, forcément, qui l'emmène, je ne sais plus trop où, mais qui lui propose de manger du poulpe. Et lui, c'est, oui, ça lui a fait une drôle d'impression, parce que c'est peut-être pas le genre de truc qu'on mange facilement, je n'en sais rien, je n'en ai jamais mangé, il me semble, mais ça lui a donné l'idée de cette chanson, Octopus's Garden, la voici, sur RIG. En fait, Ringo a eu la batterie couverte de fleurs lorsqu'il est revenu dans le studio et tout allait bien. Under the sea, in an octopus's garden, in the shade. He'd let us in, knows where we've been, in his octopus's garden in the shade. I'd ask my friends to come and see an octopus's garden with me. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. We would be warm below the storm in our little hideaway beneath the waves. Resting our heads on the seabed in an octopus's garden near a cave. We would sing and dance around because we know we can be found. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. Out and swim about the coral that lies beneath the waves. Oh, what joy for every girl and boy, knowing we're happy and we're safe. We would be so happy, you and me. No one there to tell us what to do. I'd like to be under the sea in an octopus's garden with you. In an octopus's garden with you. In an octopus's garden with you. Thank you. I'm a dreamer. Thank you. Chanson qui figure sur l'album Live in New York City de John Lennon, bien entendu. Voici les Beatles avec une version différente de For No One sur RIG. Come on, hey. Silence from the studio, over and out. Oh, shit. Sure. You're my name, you're debris. You find them. J'aimerais le voir sortir en officiel. My best friend. Vous êtes prêts à chanter avec Paul ? Moi, je vais le faire, les micros fermés. cette chanson. Elle date du début des années 70 et il aurait dû la sortir sur disque ou en live ou en je ne sais pas quoi, parce que franchement, c'est très très bien. Et voici les cochons qui viennent sur scène. George Harrison qui chante Piggies sur RIG. You will find the bigger piggies stirring up the dirt, and they always have t-shirts to play around in. And Amos dies with all the backing they don't care what goes on around. Au Japon avec toute l'équipe d'Eric Clapton derrière lui et Eric Clapton lui-même, et c'est un live qui vaut vraiment le coup. Il est sorti en 1992. On revient pour la dernière fois à l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est VH1 Storytellers, l'un des meilleurs lives de Ringo Starr, je crois, pour moi, parce que c'est un live dans lequel il chante seulement du Ringo Starr et j'aime ça. Voici What in the World sur RIG. That magical moment I'll never forget. We started to fall higher and higher in love than I thought I could get. It was so hard to find someone, and then I found you. What in the world would I do? Living in a world without you. about you. Thank you. I've just seen a face, I can't forget the time or place when we first met. She's just a girl for me. I want all the world to see we've met. La-da-da-da-da-da. Had it been another day, I might have looked the other way and I'd have never been aware. But as it is, I'll dream of her tonight. But other girls were never quite like this. Encore et give me love, give me peace on earth. George Harrison sur les régies. Mine. some karma's gonna get you. Gonna knock you right in the head. You better get yourself together. Pretty soon you're gonna be dead. What in the world are you thinking of? Laughing in the face of love. What on earth are you trying to do? It's up to you. Yeah, you. Instant karma's gonna get you. Gonna knock you right in the face. You better get yourself together, darling. You're a human race. How in the world are you gonna see? Laughing at fools like me. Who on earth do you think you are? A superstar? Well, all right, you are. But we all shine on like the moon and the stars and the sun. Some karma's gonna get you. It's gonna knock you right off your feet. You better recognize your brother. It's everyone you meet. On fera mieux la prochaine fois, dit-il. Mesdames et messieurs, nous arrivons au terminus. Veuillez descendre du bus, s'il vous plaît, ça rime. Merci à tous et à toutes, joyeux Halloween et générique, s'il vous plaît. Voilà, c'est terminé. Pas d'Eric ce soir, il a été retenu, mais il reviendra en forme la semaine prochaine, c'est promis. Merci à tous et à toutes et excellente semaine. Faites ce que vous voulez, mais aimez-vous, peace and love les enfants. À très bientôt, salut, ciao.

est encore très très très bon. On va arrêter là, je vous propose de remettre la radio normale et à très très bientôt. Salut. What did you do when you made the deputy sheriff? Well, we were after a man who was apparently had been doing something pretty desperate. D'œuvre que l'on écoute, c'est Back to the Egg de 1979 de Paul McCartney. Allez, un tout petit dernier morceau pour aller jusqu'à 22h15 et après c'est fini, je rends la place à l'ordinateur. Bring all your friends, come. doors, we're clearing back all the floors. We're open tonight, come on, come on. Ce sera tout, et encore une fois, avec McCartney comme avec les Beatles, j'ai envie de laisser courir le disque parce qu'il est vraiment très très bien. On arrête pour ce soir, à très bientôt, salut.